Bonsoir à tous, bienvenue à la première de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Je m'appelle Jean-François et c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir, étant un auditeur de la station depuis plusieurs années. Le Terminus prend donc le relais pour l'été des sessions live qui accueillaient la semaine dernière les Breastfeeders. Mais inquiétez-vous pas, les sessions live reviennent la semaine, ou plutôt l'automne prochain. Vous pouvez consulter d'ailleurs la nouvelle programmation de la station qui a débuté lundi dernier en vous rendant sur le cism893.ca. Tout au cours de l'été, le Terminus s'intéressera au rock indépendant de la scène locale, mais aussi à ce qui se fait ailleurs dans le monde et également dans toutes les langues. Par exemple, aujourd'hui, je vous présenterai trois groupes originaires d'Espagne. L'émission s'est ouverte avec la chanson « À demain » de Jésus les filles qui lançait une jolie cassette orange avec un groupe également de Montréal, de Pillies, au début du mois dernier. Maintenant, grand-papa, tu peux baisser un peu le volume de tes écouteurs puisqu'on retourne tout de suite en musique avec Chapel Club, une formation de Manchester qui rappelle The Smiths. Après avoir lancé plusieurs extraits en 2010, ils ont enfin lancé leur premier album en janvier dernier, bien que la copie physique n'est pas encore disponible en Amérique du Nord. Sur CISM 89.3, voici Surfacing de Chapel Club. Oh, sur les ondes de CISM 89.3, c'était Ringo Red Dead Star avec la chanson Chloé, extraite de l'album Color Trip. Les trois prochains groupes sont tous originaires d'Espagne et rock en espagnol, ce qui n'est pas nécessairement évident dès le départ. Dans quelques jours d'ailleurs, va débuter à Barcelone le plus gros festival de musique du pays, avec environ 100 000 spectateurs à chaque année. À l'image du festival Oshiaga qu'on a à Montréal, la programmation du San Miguel Primavera Sound mise d'abord sur la scène indépendante, mais accueille quand même cette année des gros noms, comme par exemple Paul, PJ Harvey, Interpol et les Flaming Lips, par exemple. Mais par contre, la scène rock montréalaise y est également représentée avec No Joy et Soons. On va donc entendre dans l'ordre tout d'abord la formation de Madrid, Nudo Zurdo, avec la chanson Kamikaze. Ensuite, de Barcelone, Virus avec El Valle de los Huesos, ou La danse des eaux en français, si vous préférez. Une chanson rock saupoudrée de claviers. Et finalement, de la région de Galicia, dans le nord-ouest du pays, le groupe Triangulo de Amor Bizarro, qui joueront cette année au festival, d'ailleurs, Primavera Sound de Barcelone. Vous écoutez l'émission Le Terminus, la toute première de la saison, jusqu'à 20h, sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Thank you. Triangulo de Amor Bizarro avec le tube de la Monarchia à la Cryptocratia qui figure sur leur excellent album Anno Santo, sorti l'année passée, et ça, ça concluait un segment de trois chansons, tous originaires de l'Espagne. On retourne maintenant en français avec Amourageun, le projet électro-rock planant du réalisateur Jean-Philippe Villemur, qui a travaillé entre autres avec Les Incendiaires et Ariel. Amourageun a lancé un EP en décembre dernier sur lequel figure La plus belle perte de temps au monde qu'on va entendre. Ensuite, ce sera les Anglo-Montréalais de Honey Honey avec We Only Go. Le clip de cette chanson-là a dû être censuré après que YouTube l'ait retiré pour cause de gars qui jouent au frisbee tout nu dans la neige. C'était réglé en ajoutant un petit carré noir dans le clip. Alors, leur premier album Shout devrait être disponible autour du mois de juin ou juillet. Ils seront d'ailleurs en spectacle le 2 juin à l'ESCO sur Saint-Denis. Alors, voici Amourageun sur les ondes de CISM 89.3 FM. Trois AM, les yeux ouverts. Chien, les tripes qui font des nœuds. Je perds mon temps et n'apprendrai jamais. Addict à ma face dans tes yeux. Ciel, je Alors, ça va toujours bien, grand-papa? On vient tout juste d'entendre les représentants de la scène indie de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Mix and Rectangles avec Welcome Home, You Noisy Bastards, en 23e position du palmarès de CSM. On retrouve cette semaine Bass Drum of Death avec leur album Jibby City. À l'émission Le Terminus, voici leur chanson Heart Attack Kid. Intubation avec I Love Art, ou plutôt Je Love Art, qu'on peut télécharger gratuitement sur leur profil Bandcamp. Juste avant Ponctuation, il y avait l'artiste du Nouveau-Brunswick Shotgun Jimmy avec Swamp Magic, tiré de son plus récent album Transistor Sister, paru plus tôt cette année. Pour vous retrouver dans ce qu'a joué ce soir, vous pourrez retrouver la feuille de route complète sur le cism893.ca. L'adresse courriel pour me contacter s'y trouve également. Restez à l'écoute de CSM, puisqu'après les publicités, Étienne Champagne prend le contrôle pour les deux prochaines heures avec son émission Rythmologie. Quant à nous, on se quitte sur la musique du Quatuor de Montréal, Mia Verco, qui veut dire « Mon œuvre en espéranto ». Le nouvel album « Wapizagon » sera lancé le 1er juin prochain au Divan Orange et disponible en cassette « Oh que oui » et en format numérique. Vous entendrez une pièce de rock planant qui s'appelle « Longue descente ». Voilà, je m'appelle Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Terminus. En attendant, portez-vous bien. À bientôt! Thank you. 20 ans, mon ami, et je t'ai adopté, mon ami. Tu as 20 ans, mon ami, tu es tout jeune et tu auras bientôt 40 ans, mon ami. Oui, tu es mon ami car aujourd'hui je sais que je t'écoute souvent. Tu es CSM, tu es si original que je t'aime tellement, je t'aime. CSM, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. BlackBerry présente Oceaga 2011 en collaboration avec Budweiser. Du 29 au 31 juillet au Parc Jean Drapeau. En vedette, Eminem, Kid Cudi, avec Sam Roberts, Janelle Monáe et plus de 70 groupes, avec entre autres Elvis Costello and the Imposters, Run Van 3000, Malajub, Death Cab for Cutie, Cypress Hill et beaucoup plus. Passe pour les 3 jours du festival présentement en vente. Pour la liste complète des artistes et pour acheter vos billets, visitez oceaga.com. Viens t'éclater au Bistrot de Paris. Situé au coin Saint-Denis-Mont-Royal, le Bistrot présente des groupes de la scène locale et d'ailleurs et propose diverses activités culturelles. Viens déguster une grosse chope de Tremblay pour pas cher au son de nos différents DJ. Le Bistrot de Paris, au cœur du plateau depuis 1925. 4536 Saint-Denis. myspace.com/Bistrot de Paris. Tu aimes ma vie, mais il te manque le bonheur. Eh bien voici MC Gilles, oh que oui! Tous les vendredis matins de 7h à 9h, je te présente la meilleure musique de poubelle jamais produite. De Saint-Pétersbourg à Saint-Wenceslas, on capote sur la musique poche. Donc, dès vendredi matin prochain, mets ton cadran sur CISM 89.3 FM La Marge et visite le www.mcgilles.com. Oh que oui! Des vrais, des tops, des artisans, des experts dans leur domaine qui connaissent leur matière en profondeur et leur musique de fond en comble. Ce n'est pas pour rien que CISM est depuis 20 ans la radio de l'Université de Montréal. Et pipip! Du 19 au 22 mai, c'est le 27e Festival international de musique actuelle de Victoriaville. En soirée d'ouverture, CISM 89.3 FM est fier de présenter le spectacle de Kid Koala. En grande première mondiale, ce BDiste, concepteur, humoriste et platiniste offre au festivalier sa dernière création intitulée 12-Bit Blues Show. Une prestation de Kid Koala, c'est toujours un happening. Programmation complète de la 27e édition et billetterie en ligne au fimav.qc.ca. En collaboration avec Shiz 94.3 FM et CISM 89.3 FM. Dare to Care Records célèbre ses 10 ans cette année. On vous présente un festival tout spécial où on a jumelé un nombre incroyable d'artistes de notre étiquette pour une série de spectacles à Montréal au mois de mai. Quand créativité et booking riment ensemble, ça donne le 26 au Divan Orange, Bernard Adamus, Tricomachine et les Frères Goyette. Le 27 à la Sala Rossa, We Are Wolves, Jimmy Hunt et Panache. Le 28 au Club Lambie, show surprise. Le 29 au Quai des Brumes en version déplug, Lake of Sioux avec podcast et le Husky. Une passe pour les 4 spectacles et billets disponibles sur le daretocarerecords.com. Billets aussi disponibles directement aux salles de spectacle, à l'Oblique, au Atom Art et chez Phonopolis. Suis-nous sur Twitter et Facebook pour avoir les scoops avant tout le monde et surtout n'oublie pas que Dare to Care Records t'aime et ce depuis 10 ans. Al bongo.